Bonsoir tout le monde, bon samedi soir. Soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. C'est le samedi 3 novembre, il est 18h. Sur la plus normande des radios, Dorian. Comme toutes les semaines, on est reparti pour le classement de l'Espace Top 20. Espace, plus de son, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Et oui, effectivement, c'est reparti pour l'Espace Top 20 cette semaine. Bienvenue si vous nous rejoignez, les 20 meilleurs sons, les 20 meilleurs tubes de la plus normande et picarde des radios. Un classement qui ne bouge pas tant que ça depuis la semaine dernière. On va retrouver dans quelques instants en numéro 18, Soprano, à la vie, à l'amour. Numéro 19, ce sera Cédric Gervais avec Do It Tonight. Et le numéro 20 arrive tout de suite, c'est Lenny Kravitz avec L'eau. Passez une très belle soirée. Et puis j'en profite pour vous donner quelques événements. Les 10 et 11 novembre, rendez-vous à Neuchâtel-en-Bray pour la foire Saint-Martin. Deux jours d'animation de 9h à 19h avec fête foraine, course de VTT, artisanat, exposition des jardins ouvriers, du souvenir français et plein d'autres choses. Et puis du côté d'Allouville-Bellefosse au musée de la nature, la fête de l'oiseau 2018, les 10 et 11 novembre. Merci d'avoir choisi l'Espace Top 20. On est là pour découvrir le numéro 20 maintenant, Lenny Kravitz. Espace Top 20. Le Top 20. Numéro 20. Just wanna love it, baby, stay with me all night. Drop me, let

La plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. En mode souvenir. Merci d'être avec nous, bonne soirée à tous. Vous êtes dans l'espace top 20. On a découvert les 4 derniers du classement, donc du numéro 20 au numéro 16. Et on passe au numéro 15 dans quelques instants. Juste après ce mode souvenir, c'est Mylène Farmer sans contrefaçon. Et laissez nouveaux messages, comme d'hab, 0950 35 50 50 ou sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. Mylène, c'est à toi.

Énorme reprise d'un tube légendaire de 2004. C'était Dan Balan, Nouma Noumatou sur Espace en Normandie, en Picardie dans l'Espace Top 20. Bienvenue si vous nous rejoignez du côté d'Evreux ou encore des Andelys. Passez une belle soirée et on vous envoie maintenant le numéro 13, nouveauté, et ça rentre dans le classement aujourd'hui. Z et LA du et Apino, numéro 13 de cette semaine. 20. Le top 20, numéro 13. Peu en avance, alors je vous propose deux titres hors classement, Madcon, Got a Little Drunk, et voici David Guetta et Anne-Marie, c'est Don't Leave Me Alone. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort, if you really go first, if you really left. Be alive today, with or without you, like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, and don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me. I'm

sont incontournables. Sur Espace, écoutez les meilleurs souvenirs. La première heure de l'Espace Top 20 s'achève. On a découvert les 9 derniers titres du classement et il est l'heure de passer aux 11 premiers dans quelques instants. Juste après ce mode souvenir, Jean-Choule teste Confidence pour Confidence sur Espace et puis laissez nouveaux messages comme d'hab 0 950 35 50 50. Passez un bon week-end, une belle soirée et rendez-vous les samedis 10 et dimanche 11 novembre à Neuchâtel-en-Bray pour la foire Saint-Martin. On vous y attend nombreux de 9h à 19h. Bonne soirée. Vous, vous deux, vous m'aimez, mais pas moi. Moi je veux vous l'aimer. Confidence pour confidence, c'est moi que j'aime à travers vous. Si vous voulez les caresses, restez pas, pas chez moi. Moi j'aime sans c'est moi que j'aime à travers vous, mais aimez-moi à genoux. J'en suis fou, mais ne vous à moi, je vous avoue que je veux vivre sans vous. Aimez-moi à genoux. J'en suis fou. Bienvenue les Normands, les Picards, si vous nous rejoignez sur Espace en ce samedi soir, il est tout juste 19h, c'est les infos. L'essentiel de l'actualité, Stéphane Nicolas. Bonsoir à tous. Météo France a placé aujourd'hui la Corse en vigilance orange pour orages, pluies et inondations à partir de minuit et jusqu'à demain soir minuit. Les deux départements insulaires sont concernés par cet épisode pluvio-orageux intense, nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de sa durée. C'est ce que souligne Météo France dans un communiqué alors que les premières averses faibles étaient déjà constatées sur l'est de l'île. Ils pourraient bien rester en prison jusqu'à leur procès. Deux adolescents de 16 et 17 ans soupçonnés d'être impliqués dans l'agression d'un policier toulonnais jeudi devant son domicile à Hyères dans le Var, doivent être présentés à un juge d'instruction. Les deux mineurs doivent passer devant le juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue pour une possible mise en examen, puis devant le juge de la liberté de la détention. Le parquet demandera leur incarcération, précision d'une source proche du dossier. Quatre personnes ont été arrêtées aujourd'hui après avoir tiré des coups de feu dans le centre de Bordeaux et blessé légèrement deux personnes. Quatre hommes d'origine marocaine et âgés d'une quarantaine d'années visaient un homme qui sortait avec deux autres personnes vers 9h ce matin, cours de l'Isère. Il sortait d'une soirée qui s'était prolongée donc jusqu'au matin. Sa vidéo a presque atteint les 5 millions de vues dans un message d'environ 5 minutes posté sur Facebook. Une automobiliste bretonne interpelle le président Emmanuel Macron sur la hausse des prix du carburant. Annonçant un coup de gueule, elle déroule la liste de ce qui constitue, selon elle, une traque aux conducteurs, incluant notamment le nouveau contrôle technique, la chasse aux véhicules diesel, l'augmentation du nombre de radars, les futurs péages à l'entrée des grandes villes ou encore la mise en place d'un système de cartes grises pour les vélos. On en a plein les bottes, sagace automobiliste, avant de conclure. Où va la France, monsieur Macron? Certainement pas là où vous aviez dit que vous l'emmèneriez. Fin de déclaration. L'association de défense des animaux L214 a publié une nouvelle vidéo hier montrant les conditions d'élevage de cochons dans une exploitation de Charente, puis a annoncé le même jour porter plainte auprès du procureur de Châteauroux pour maltraitance et sévices graves. Le préfet de l'Indre a ordonné aujourd'hui la suspension provisoire et immédiate de l'activité d'un abattoir du département à la demande du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, qui a dénoncé dans un communiqué les pratiques inacceptables de l'établissement. Sur la plus normande des radios, Dorian. On continue le classement Espace Top 20 de cette semaine avec les 11 premiers. Espace, plus de sons, plus de tubes. Top 20 Espace. Samedi 18h, le rendez-vous incontournable sur Espace. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, un classement qui n'a pas énormément bougé par rapport à la semaine dernière, mais c'est toujours un plaisir d'entendre tous ces titres-là. On continue avec le numéro 11. Dans quelques secondes, c'est Vita Slimane, Je te le donne. Et puis rendez-vous du côté du musée de la nature à Louville-Bellefosse, samedi 10 et dimanche 11 novembre de 14h à 18h pour la fête de l'oiseau 2018 sur la nidification. Soyez nombreux, voici le numéro 11 maintenant. Espace Top 20. Le Top 20. Numéro 11. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends, je te le donne. Tes yeux, sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne, même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends, je te le donne. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, je te le donne, je te le donne, donne, donne,

Over That Girl sur la plus normande et picarde des radios. Merci d'être là. Bon courage évidemment à ceux qui taffent. Hein, et puis rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Espace Normandie. On continue le classement avec le numéro 6, Boulevard Désert. Je me dis que toi aussi. Numéro 7, les Maroon 5, Girls Like You. Et numéro 8, maintenant, The Prince Karma, Later Bitches sur Espace. Espace. Top 20. Top 20. Numéro 8. I'm not like wearing any underwear, so

passe la plus normande des radios. Espace, en mode souvenir. En mode souvenir. Samedi 10 et dimanche 11 novembre à Neuchâtel-en-Bresse et la foire Saint-Martin avec Espace. Voici Chris Anderson, Last Night en mode souvenir. Bonne soirée. Les 20 meilleurs tubes. C'est le top 20. On arrive maintenant vers la dernière ligne droite de l'espace top 20 de cette semaine avec les 5 premiers. Alors, numéro 4, on va retrouver Big Flo et Oli Petit Biscuit demain. Et numéro 5, Kaigo et Miguel avec Remind Me to Forget. En gros, ça ne bouge absolument pas par rapport à la semaine dernière. Et puis, rendez-vous à Louviers, évidemment, au musée de Louviers, jusqu'au 26 novembre pour l'exposition controverse de Brigitte Ziegler. On vous y attend nombreux. Soyez prudents sur les routes. Bon courage à ceux qui taffent. On est de tout cœur avec vous. Et voici donc le numéro 5, Kaigo et Miguel. On kiffe grave. Top 20. Numéro 5. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin.

montée dans le classement numéro 3 de cette semaine, Maître Gims avec Le Pire, Bonne Soirée. Voici le numéro 2, LSD, c'est Underclothes sur Espace. Top 20. Numéro 2. Officiel des 20 titres les plus joués sur Espace. Voilà, 19 titres découverts, il n'en manque plus qu'un. Le number one de cette semaine arrive maintenant. Les 3 cafés gourmands à nos souvenirs qui conservent sa petite place depuis maintenant 4 semaines. Arrivera-t-il à être détrôné un jour? Réponse la semaine prochaine peut-être. Mais cette semaine, ils sont toujours là en numéro 1 et ça fait plaisir. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous samedi 10 novembre du côté de Saint-Paul. Sébastien de Morsan à la salle Léo Lagrange pour une foire aux jouets, tout comme du côté de Pont de l'Arche. Passez un très bon samedi. Et puis, merci d'être là. Numéro 1, maintenant, 3 cafés gourmands. C'est à nos souvenirs sur Espace. Belle soirée, bon week-end. Espace. Top 20. Top 20. Numéro 1. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyais bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit coup de gnôle. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monétaires. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits enfants de ce joli coin de France. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Grand succès français, les trois cafés gourmands à nos souvenirs sur Espace en Normandie, en Picardie, du côté d'Évreux ou encore de Louviers, mais également numéro 1 de l'Espace Top 20 de cette semaine. Il est tout juste 19h55, voici David Leroy pour la Proc Télé de ce samedi soir. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le samedi 3 novembre. Ce soir sur TF1, Danse avec les gens connus. Comme toujours, ils sont habillés avec des robes à froufrou ou des trucs en vinyle qui brillent de partout, des robes à paillettes ou alors, d'une façon un peu improbable, ça arrive de temps en temps, Danse avec les stars dès 20h45. France 2, un soir en direct avec Patrick Bruel. Et qu'est-ce qui va-t-il donc se passer ce soir? Tous ses amis seront là pour lui rendre hommage et chanter de temps en temps même ses chansons. La soirée est présentée par le taulier Michel Drucker, comme d'habitude. 23h35, on n'est pas couché. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs, comme d'hab, vont se fighter avec les invités. Ou alors, j'ai remarqué un truc, hein, quand ce sont leurs potes, ils sont tout mielleux. Et moi, je dis ça surtout pour Laurent Ruquier. Hein. Je trouve que de temps en temps, il manque d'objectivité avec certains invités, qui au demeurant sont ses potes. France 3, Les Crimes Silencieux, un téléfilm français avec Richard Berry, c'est une rediff. La clinique du Docteur H en seconde partie de soirée. Là aussi, festival de rediff. Canal, un sport de bonhomme, Toulouse-Bordeaux-Bègles, c'est un match du top 14, 23h15. J'aime beaucoup moins ce sport, vous le savez, c'est jour de foot. Arte, Alexandre Legrand, c'est un docu-fiction, donc on connaît le principe. On refait toute l'histoire avec des comédiens payés pas très cher qui sont souvent très mauvais. MCIL, SIL, Team, toute la soirée inédite en première partie de soirée. Si tu veux attendre la troisième partie de soirée, c'est que tu es fan d'NCIS Los Angeles. Pas de bol, ce ne sont que des rediffs. Le meilleur de la TNT, France 5, Échappée Belle, ce soir. Nous sommes en Norvège, la magie des fjords, et là on parle du pays, pas des yaourts. C8, Alban Ivanov, élément perturbateur, c'est son one man, j'ai vu, c'est totalement perché, j'adore. Sinon sur W9, vous avez des inédits des Simpsons. Voilà, c'est terminé, on se retrouve demain à la même heure, et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande. Groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Ça se passe uniquement sur Espace. Écoutez aujourd'hui ce qu'il s'est passé hier. Espace. Et voilà, ça y est, l'Espace Top 20 touche à sa fin pour cette semaine. Je vous rappelle les grands moments du classement. Le numéro 20, c'était Lenny Kravitz avec L'eau. Numéro 15, Jonas Blue, Paul Laroïde. Numéro 10, Martin Greg Sebon, Height on Life. Numéro 5, Kaigo Miguel, Remind Me to Forget. Et numéro 1, les 3 cafés gourmands avec à nos souvenirs. Je vous embrasse. Passez une belle soirée. On se retrouve évidemment toute la semaine, 19h, 21h. Et puis samedi prochain, 18h, 20h pour un nouveau classement. Ciao les amis, bon week-end à tous.